veux pas encore y aller. Y'a ma rose qui fait chier, la première veut pas passer. Je crois vraiment que je vais la coder. Merde, salope, connasse de pute de chier de merde. Merde, salope, connasse de pute de chier de merde. Vroom vroom vroom vroom vroom. Ça y est, on est reparti. Des honneurs pour me baigner, ou à la montagne pour skier. C'est des honneurs me décider, mais c'est la seconde qu'à planter. En plus je fais que caler, j'ai trop de mal à redémarrer.